بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن في الدرس الرابع عشر 14 لسون قال في السؤال التاسع وستين 69e question هل يجوز تعليق التمائم est-il permis d'accrocher ce qu'on appelle amulette ou talisman en ayant une croyance que ce soit une chose qui protège d'un mal qui apporte un bien comme ce qu'on appelle les porte-bonheur les choses qui a une croyance mystique et qui touche aux choses de l'invisible. قال لا يجوز لأنه من الشرك. Cela n'est pas permis car cela fait partie du shirk. Et ça peut être majeur, ça peut être mineur, ça dépend, comme on l'a dit dans les douloureux précédents, de l'attention de la personne par rapport à cela. قال والدليل حديث عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركع والتمائم والتولى Shirkun, il a dit que les invocations, les incantations, c'est-à-dire ruqya, celles qui ne sont pas basées sur le kitab de la sunna, attention, ce n'est pas tout ruqya. Là, il parle de celles qui n'est pas légiférée. Les tamaim, qui sont les amulettes, et tiwala, ce qu'on appelle l'envoûtement, le fait d'aimer une femme auprès de son mari, qu'une femme demande à ce qu'un sort soit jeté à son mari pour qu'il l'aime, ou le contraire, tout cela rentre dans le shirk. Donc, tout cela n'est pas permis. Car ces choses-là ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui met l'amour dans les cœurs et qui l'enlève. Et c'est Allah azawajal qui te préserve du mal ou qui t'en atteint. Quand tout ce qui est porte-bonheur, ce genre de choses, cela ne sert à rien du tout. Et si jamais tu crois que ce porte-bonheur en lui-même t'apporte un bien, repousse un mal en lui-même, cela est de la mécré, du shirk majeur. Si jamais tu penses que c'est Allah qui en a fait une cause, cela est du shirk mineur, car Allah n'en a pas fait des causes, sans quoi on aurait eu un dalil, une preuve dans la révélation, le texte de la révélation. Quand la vie souhaite, la 70e question. Ma hukm zabihat al-kafir ghayr al-kitabi. Quel est le jugement de ce que le mécréant aura égorgé, c'est-à-dire comme viande de sacrifice, en dehors du kitabi qui est le chrétien ou le juif? Nous est-il permis d'en manger ou pas? Quand la vie souhaite, quand la vie jaweb, la yajuz. Cela n'est pas permis. Même s'il a dit bismillah. En dehors du chrétien et du juif, il n'est pas permis de manger la viande qu'il aura sacrifiée. Et même le juif et le chrétien, il y a une divergence, et la parole la plus sûre, c'est que même s'il sacrifie et qu'il ne dit pas au nom d'Allah, sa viande n'est pas acceptée également. Il faut que son rite soit correct. Et ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été évoqué dessus, car cela est de la perversion, c'est-à-dire majeure. Ou plutôt, en fait, cet acte est de la perversion majeure. Le fait d'égorger, sans nommer le nom d'Allah dessus, cela est de la perversion majeure, afin que je rectifie, pour celui qui aura une intention de se rapprocher pour autre que lui. Mais celui qui aura oublié, ou qui l'aura fait comme ça, sans réelle intention, volontairement, il n'aura pas cité le nom d'Allah Azzawajal, mais sans pour autant faire un acte d'adoration, mais sans non plus s'approcher à autre que lui, cela n'aura pas été de la mécréance. Mais cela aurait été de la perversion de sa part. Al-An'am, les bestiaux, verset 121. Donc on dit bien, cela est de la mécréance, si jamais il le fait volontairement dans le but de s'approcher à autre que Allah. Sinon, en dehors de cela, cela est une faute, hormis s'il n'a pas fait exprès. Et ce verset est une preuve que même le kitabi doit dire, doit prononcer et évoquer le nom d'Allah sur la viande qu'il sacrifie. ثم قال في السؤال الواحد وسبعين 71e question ما هو التوكل qu'est-ce que le tawakkul ce qu'on appelle la confiance mais le tawakkul est un sens beaucoup plus profond que la confiance en français car la confiance peut être attribuée pour d'autres sens comme par exemple je fais confiance à un tel quand il parle c'est-à-dire lorsqu'il me parle je le crois à sirkbi ça peut être le sens de wathaqa qui veut le faire de croire quelqu'un dans sa véracité. Alors que là, en arabe, c'est une autre chose. Comme dans la définition, cela va venir. Il dit « Sidku i'timad al-qalb al-allahi fi jilb al-manafi wa daf al-madar ma'afil al-asbab al-shal'iyya » qui est le fait de se reposer yani, en passant sa confiance sur Allah avec véracité dans ce qui touche au fait d'attirer un bien ou de repousser un mal. Tu t'en remets à Allah. En quelques mots, on dit tu t'en remets à Allah. Car on a dit confiance, en français, ça peut être d'autres. Elle peut être employée pour autre chose. Donc c'est, tu te remets à Allah pleinement et avec véracité pour attirer un bien, ou repousser un mal, tout en faisant les causes. Tout en faisant les causes. L'attention en elle-même ne suffit pas. Tu fais les causes pour y arriver. Celui qui se bat sur les causes seulement aura fait du shirk. Et ça peut être majeur ou mineur, ça dépend de son intention. Et celui qui n'aura pas fait les causes, qui aurait une intention sans faire les causes, il aura porté affront à la législation, car Allah nous a demandé de faire les causes. Donc celui qui dit « j'ai pas besoin de faire les causes », c'est comme si délaissait ce que Allah Azzawajal lui a demandé de faire. Donc cela est une erreur, une grave erreur. قال ودليل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si jamais vous êtes croyant. Al-Ma'idah, verset 23. Donc on voit que le tawakkul est une condition de la foi. Ceux qui n'ont pas de tawakkul, ce n'est pas un croyant. Et vous verrez que les mécréants n'ont pas de tawakkul. Les mécréants n'ont pas de tawakkul. Ils placent leur confiance et se basent sur les causes seulement. Si tu enlèves la cause, ils deviennent perdus et certains arrivent même à s'en ôter la vie. Ils se suicident. Ils se suicident. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'espoir et n'ont pas de confiance placée en Allah subhanahu wa ta'ala. Et en islam, le suicide est un grand péché. Bien évidemment. Et c'est rare qu'on trouve un musulman qui se suicide. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Alors que chez les mécréants, c'est très fréquent. وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Ceux dont les gens leur ont dit, les gens sont rassemblés autour de vous, c'est-à-dire pour vous combattre, alors craignez-le. Cela leur a rajouté de la foi, et ils diront, Allah est notre, Allah nous suffit, il est, quel bon garant, et quel bon garant. Al-Imran, verset 173. Et dans le hadith de Omar ibn Khattab, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير يغدو خماصه ويروح بطانه. Qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que si jamais vous placez votre confiance en Allah réellement, comme il le se doit, il vous apportera votre subsistance, comme il l'apporte à l'oiseau qui part de bonne heure le ventre vide et qui revient le soir le ventre plein. Allah accorde la subsistance à chaque créature qu'il a créée. Donc commettre des péchés pour en avoir, cela ne sert à rien. Car tu n'auras pas plus que ce que Allah t'a accordé. Si ce n'est que tu auras le péché que tu auras commis, et peut-être même que la chose que tu auras apprise te sera interdite, comme le fait par exemple de prendre de l'argent qui est illicite, comme le fait de vendre de l'alcool, de vendre de la viande de porc, de vendre de la drogue, ou d'être un musicien, tous ces salaires-là qui sont interdits, ou de prendre l'argent du Liban. Ça ne sert à rien car tu n'auras rien de plus que ce que Allah t'avait déjà prédestiné. Tu auras juste le péché et le regret par la suite. Et si jamais tu n'as pas grand-chose, patiente. Patiente. La patience, c'est une chose à laquelle appelle notre religion, dans la difficulté. Et on nous a promis qu'après la difficulté, viendra la facilité. Donc, on patiente. Et on fait face, on croit au destin. Et on craint Allah, subhanahu wa ta'ala. قال في السؤال الثاني والسبعين, 72e question, هل يجوز أن نقول توكلت على الله ثم عليك. Comme si tu disais, je m'en remets à Allah, puis à toi. C'est mieux que dire confiance. Car confiance, on peut dire je te fais confiance dans le sens où je te crois, comme on a expliqué. Donc là, c'est mieux de dire je m'en remets à Allah, puis à toi. Est-ce qu'il est permis de dire cela? Il dit la yajouz. Même si tu dis puis. Car le fait de dire je m'en remets à Allah, puis à toi, c'est une forme d'iftikar, que tu t'appauvris devant la personne, que tu as besoin d'elle dans une chose qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu peux dire, je m'en remets à Allah, d'accord? Je m'en remets à Allah, et j'espère de toi, dans ce qui t'est possible de faire, que tu apportes un bien, un espoir légiféré dans une chose que la personne est en mesure de faire. Ça, cela est permis. Mais le fait de le dire en arabe, atawakkaltu ala Allah thumma alayk, d'accord? Cela n'est pas permis. Certains ulama voient la permission. Et le meilleur dans une situation, c'est de prendre le call le plus prudent, la vue le plus prudent, et de délaisser de toute façon. Ça n'apportera rien de plus. Donc autant éviter un mal. Et c'est quoi la preuve? Quand Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah, wa man ittaba'aka minal mu'minin. Dans le sens où Allah dit, ô messager, ô prophète, que Allah te suffit à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Al-Anfal, le butin, verset 64. Donc Allah, il te dit qu'il te suffit. Pas besoin des gens. Que tu t'en remettes à eux. Et celui qui s'en remet aux gens sera toujours déçu de toute façon. Toujours déçu. Car les gens ont leur force et leur faiblesse. Et leur force, elle est limitée. Alors qu'Allah Azzawajal est le vivant, celui qui ne meurt jamais, et le riche, celui dont la richesse ne s'épuise jamais. Et celui qui donne, sans compter. Contrairement à la créature qui, même si elle est richissime, elle se lassera de donner au bout d'un moment. Et elle a ses humeurs. Et cette créature elle-même, tu n'es pas l'abri que demain, elle perd tout ce qu'elle a, qu'elle soit elle-même en besoin, que tu l'aides, toi-même. Donc cette confiance en placée en Allah Azzawajal est une adoration qui ne revient qu'à lui. Celui qui l'aura placé pour autre que lui aura commis de l'association. Naam. Fabien d'Alcon Naktafi, ou Alhamdulillah Rabbil Alamin.